Bonjour et bienvenue dans ce podcast science numéro 12. Alors, en compagnie de mon ami Alan. Bonjour Salut Alan. Antoine. Salut, ça va? Ça roule, ouais, ça va Oui. bien. Et Et toi? nous... Oui, très bien. Et maintenant aussi avec Mathieu. Bonjour à Salut tous, Mathieu. professeur Fon, Antoine, tout va bien? Salut Mathieu. Ouais. Bonne semaine. Très bien. D'accord. Alors, cette semaine, en plus, podcast science va être assez chargé, je crois, hein, vu le programme qu'on a. Alors, on va commencer par quelques nouvelles du concours précédent, hein, Alan, hein, c'est ça? Alors oui, on avait dit qu'on indiquerait ce que Christine a choisi comme livre. Alors pour information, elle a choisi Et si le bonheur vous tombait dessus de Daniel Gilbert, qui normalement a dû lui parvenir. Christine, si jamais tu n'as pas reçu le livre, tu sais où contacter le service clientèle de Podcast Science. Et puis autrement, bah, c'est très volontiers que tu viendras nous en parler quand tu l'auras lu. Bonne lecture. Voilà, bonne lecture à toi, Christine. D'ailleurs, il y a un nouveau concours qui va se faire, hein. On a un problème dans Podcast Science, c'est qu'on n'arrive pas à choisir les sujets que vous nous proposez. Donc, Mathieu a eu l'idée, hein, Mathieu, de faire un Ouais. petit sondage en ligne. Donc, tu peux nous en parler un peu plus? Non, parce que ce qui se passe, c'est qu'on a eu deux, trois propositions pour traiter des sujets, et puis on en prenait note, et puis on en avait toujours plus, et puis on s'est dit, bon, quel sujet on prend? On savait pas trop comment se décider, donc on s'est dit, bon, bah, le mieux, finalement, c'est de proposer les sujets sur le site. Les utilisateurs, les visiteurs le vo les votent, et puis nous, on prendra le sujet qui est le plus voté, puis on essaiera de le traiter le mieux possible. Ouais, on va Voilà. respecter la démocratie. Le sondage est déjà en ligne à partir de maintenant, donc vous pouvez y aller. Et puis, ben, on l'a sorti un nouveau petit concours, ce sondage. C'est quand même sympa comme tradition. Donc, non seulement vous votez pour le sujet qui vous intéresse le plus, vous pouvez voter pour plusieurs sujets cette fois, mais en plus, si possible, vous nous laissez un petit commentaire pour dire que vous avez voté. Vous le laissez soit sur Twitter, soit sur Facebook, soit sur le site, ou bien par tout autre moyen. C'est complètement égal du moment qu'on peut le recevoir à un moment donné. Et puis, ce que vous pouvez gagner cette fois, c'est le dernier livre de Boris Cyrulnik. J'ai eu la chance d'assister à une de ses conférences qui avait lieu à Genève ce lundi. Donc Boris Cyrulnik, c'est un neuropsychiatre, éthologue également. Enfin, il a cette double casquette, une perspective toujours très intéressante dans tout ce qu'il écrit. C'est un vulgarisateur hors pair, vraiment génial. Et puis je suis allé faire ma groupie pour la première fois de ma vie. J'ai acheté un deuxième exemplaire de son dernier livre et je lui ai demandé de le dédicacer pour un auditeur ou une auditrice de Podcast Science. Donc voilà, il est signé de la main du maître Cyrulnik lui-même. Et puis il est à gagner. On tirera au sort les participants qui auront laissé un commentaire dans le prochain numéro. Alors, à vos Voilà. commentaires, très bien, super. Sinon, j'avais encore une petite bricole à dire. Alors au moment où vous entendrez ce podcast, il sera ou plutôt le vendredi 19, vous aurez encore une dernière chance pour assister à la dernière conférence du 14e colloque Wright pour la science qui a lieu à l'Université de Genève. Le thème cette année est un thème spécial quantique. Je suis infiniment désolé de ne pas avoir été au courant de tout ça plus tôt. On aurait pu l'annoncer dans le podcast de la semaine dernière et vous auriez pu prendre vos dispositions parce que ça a eu lieu toute la semaine. Donc voilà, il reste plus que le 19. Si jamais parmi les auditeurs quelqu'un a vent de ce genre de truc, n'hésitez pas à nous le faire savoir parce qu'on suit pas forcément tout. Un petit tweet, un petit commentaire, un petit mail, n'importe quoi, dites-le nous, puis comme ça on l'annonce à l'avance. Ça a l'air vraiment génial et entrée libre en plus. Donc voilà, Très pour ceux bien. qui sont sur Genève vendredi. D'accord. Je crois que vous vouliez aussi parler, revenir sur ce qu'on avait parlé la semaine passée, non? Avec l'oreille absolue, c'est Oui, ça? absolument. Ouais. Parce que la semaine passée, donc, dans mon dossier sur l'oreille absolue, Alan m'a parlé de l'étude de Levitin qui disait que 9 personnes sur 10 pouvaient démontrer qu'ils pouvaient avoir l'oreille absolue. Donc Alan a gentiment retrouvé cette étude qui date de 1994, je crois, qu'on vous mettra en ligne d'ailleurs. Et la conclusion, c'est que ce n'est pas 9 personnes sur 10, mais quand même 4 sur 10, 40% des personnes. Ouais, c'est pas exactement la même chose, désolé, je suis vraiment Oui. pas bon sur les chiffres. Ah, mais c'est déjà vraiment beaucoup quand même, je trouve. Hein. Ouais, Ça c'est quand fait même c'est étonnant quand même comme conclusion. vraiment étonnant. Donc le dossier est mis à jour. Hein. Et voilà. Et par contre, j'en ai parlé avec Ben de Niptech de Salut ce Ben. dossier. Ouais, qu'on salue chaleureusement. Et Ouais. alors lui, qui a fait partie d'une chorale, il m'a donné sa petite expérience qui disait que s'il n'y avait pas le diapason avant, ils chantaient tous faux. Donc. Donc, il ne doit pas faire partie des 40% qui avaient l'oreille absolue. Donc voilà. Et ah oui, et Mathieu, tu voulais nous parler d'un petit site qui monte, c'est Art Science Factory, c'est ça? Ouais, artsciencefactory.fr. Donc un site que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et ça m'a semblé intéressant parce que en fait, en fait, on voit qu'il y a le mot art et science dans le nom du domaine. Et l'idée, c'est un peu d'essayer de réunir l'art et la science, essayer de trouver un peu des terrains communs pour que la science et l'art puissent un peu parler avec le même vocabulaire. Et donc, en fait, sur ce site, ce qu'on peut trouver, c'est que, bon, il y a toute une série d'événements qui ont lieu un peu sur ces sujets-là, sur le plateau du Saclay en Île-de-France. Donc, je ne connais pas très bien où c'est. Mais en tout cas, ils organisent plein d'événements là. Et bon, ils sont en partenariat avec différentes institutions. Et en fait, on trouve sur site plein d'œuvres et de travaux qui sont en fait nés sous le signe de la recherche au sens large du terme, on va dire. C'est-à-dire recherche autant créative dans des domaines artistiques, recherche scientifique sur l'innovation, recherche dans des interactions. Et l'idée, c'est essayer d'un peu de créer des dialogues entre ces différents domaines. Donc voilà, je voulais juste dire deux mots parce que je trouvais une bonne initiative, essayer de réunir un peu l'art et la science qui des fois font pas très bon ménage. Et voilà, je voulais juste dire deux mots sur ce site. Oui, c'est vraiment une affaire à suivre, ça a l'air vraiment super sympathique. Je vais enchaîner avec un commentaire iTunes que vous ne pouvez pas voir, Alan et Mathieu. C'est un commentaire iTunes qui a été posté sur iTunes France, que je vais vous lire, de Net Plus Media. Et vous allez voir, c'est vraiment super, c'était vraiment super gentil. Alors, déjà, il nous dit bravo. J'ai téléchargé et écouté le premier épisode et j'ai tellement aimé que je me suis écouté tous les autres à la suite. Vous savez rendre la science intéressante et je vous souhaite encore plus de succès. Sur votre site, j'ai voté pour 45 minutes, mais j'adore les émissions longues. Je pense que le mieux n'est pas de se fixer un horaire car cela limiterait votre liberté d'expression. Bonne continuation. Ah, Voilà. bah super, dis donc. Sympa. Ouais, merci bien. Hein. Voilà, Ça nous va droit au cœur. Alors franchement, merci. Bah ouais, Merci à bah toi, ça Net nous Plus Média. motive aussi de continuer sur la même ligne, quoi. Bah nous, en tout cas, on est Oui. content de faire ça et on prend du plaisir. Donc tout le monde est content, tant mieux. C'est vraiment super. En Bah, plus, tu es toujours adorable de avec nous? parler. Comment? Ah. Ah, j'ai eu des petites coupures, mais c'était de mon Oui. côté. Apparemment, Ah c'est bon? pas un souci. D'accord. Okay. Alors, oui, ça, en enchaînant, Mathieu, tu nous parles de Podcast Science qui a son journal maintenant, c'est ça? Oui, alors je m'étais amusé Oui. l'autre jour. En fait, il y a un site qui s'appelle Paperly qui est assez drôle parce qu'en fait, on lui indique notre compte Twitter et il nous crée un journal en ligne, vraiment avec un format journal comme on peut le voir dans la presse papier. Donc voilà, on a une URL qui est paper.ly/podcastscience. Bon, on la mettra sur le site. Et si vous allez là, ben vous voyez toutes des news scientifiques qui sont en fait liées à notre compte Twitter de gens qu'on suit, de sites scientifiques qu'on suit sur Twitter et de comptes Twitter qui parlent de science. Donc tous ces tweets sont retransformés d'une certaine manière dans un journal en ligne. Donc ça c'est marrant, c'est amusant. Donc voilà, on mettra l'adresse du site sur Podcast Science. En Ouais, c'est plus, chouette. Ça ça a de l'allure. Il n'y a que des sujets Ouais. intéressants. Ça me botte, ce journal. Un peu pour perdre du temps, c'est un de ces sites à perdre du temps parce qu'on commence à lire un sujet, après on voit qu'il y a une vidéo sur un truc qui nous intéresse, donc on regarde la vidéo. Ah, Ouais, c'est sans fin après. le drame. D'ailleurs, en parlant de sites scientifiques, moi, je vais vous parler, pour conclure un peu ces petites actualités, de Gnotex, qui est un réseau social des scientifiques. En fait, comme les réseaux sociaux, on a Facebook, on a Twitter, mais eux, ce sont plutôt des réseaux sociaux axés généralistes. Et là, on a vraiment développé par des Français un réseau social axé sur la science. Donc là-bas, on s'y inscrit. Je crois que Alan a un compte aussi. Hein. C'est ça, Ouais, hein? Gnotex, ouais. j'ai un compte, ouais. Mathieu, tu connais? Écoute, j'ai vu le site, j'ai pas de compte encore. Et Ouais. voilà, j'ai regardé en gros ce qu'il faisait, mais j'ai pas été plus loin, à vrai dire. Je te conseille vraiment parce qu'on voit vraiment que ça peut se former une petite communauté autour de la science et ça fait chaud au cœur de pouvoir parler de choses de notre passion avec d'autres personnes, quoi. Donc c'est Knotex, alors www.knotex, Knowtex.com. Voilà. Là, je suis sur le site et ils se définissent comme le réseau social de la culture scientifique et technique. Ouais, Ouais, c'est donc assez ça en vaste fait. On programme, quoi. n'y parle que de science. Ça qui est bien. Et donc voilà, ben sans transition, on va enchaîner directement avec les dossiers hein, cette semaine. Alors, le premier dossier d'Alan, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, Alan, de quoi vas-tu nous parler? Moi, je vais vous parler d'Apocalypse. C'est vrai, on est toujours tellement positif dans Podcast Science. Je vais vous parler de l'événement de Carrington ou de la menace des éruptions solaires. Alors, on va commencer par les fondamentaux. Qu'est-ce qu'une éruption solaire? Alors, si j'en crois notre bon ami Wikipédia, une éruption solaire est un événement primordial de l'activité du Soleil. Cool, merci Wikipédia. Mais encore. Elle se produit périodiquement à la surface de la photosphère et projette au travers de la chromosphère des jets de matière ionisée qui se perdent dans la couronne à des centaines de milliers de kilomètres d'altitude. En plus des particules et des rayons cosmiques, l'éruption s'accompagne d'un rayon intense, ou pardon, d'un intense rayonnement, UV, rayon X, etc., qui perturbe les transmissions radioélectriques terrestres, orage magnétique, et provoque l'apparition des aurores polaires en entrant en interaction avec le champ magnétique terrestre. Bon. Oula, Voilà attention, une petite là, explication. c'est la définition chargée. Ouais. faut se Ouais, ça projeter, c'est hein. la version brute Wikipédia. Alors si on laisse un peu tomber les termes peu évocateurs de photosphère, de chromosphère, de matière ionisée, tous ces trucs qu'on ne comprend pas, je retiens pour ma part que c'est une activité intense, genre tsunami, à la surface du Soleil, qui balance des UV et des rayons X en quantité juste invraisemblable autour du Soleil. Et pour ce qui nous concerne directement, bah, la Terre se retrouve bombardée de ces rayons violents. Elle subit d'importants orages magnétiques, on voit apparaître des aurores polaires, et les boussoles perdent le nord, tout simplement, tout ce qui est électrique est détraqué. Alors il y en a différentes intensités de ces éruptions solaires, il y en a des toutes petites de rien du tout, comme celle qui n'a fait que plonger le Québec dans le Moyen Âge en 1989, lorsqu'un orage magnétique résultant d'une éruption solaire a tout simplement détruit le système électrique d'Hydro-Québec. Et puis, donc ça, c'est des petites. Il y en a d'autres, tous les 500 ans environ, qui sont d'une violence absolument inouïe. En parenthèse, comment est-ce qu'on sait que ça a lieu tous les 500 ans? Parce que ça ne fait pas 500 ans qu'on observe les éruptions solaires. Bah, c'est tout simple, ces éruptions laissent des traces dans les glaces du Groenland sous forme de nitrate et de béryllium-10. Le béryllium-10, c'est un isotope hautement radioactif du beryllium, donc aisément identifiable. C'est un sujet absolument fascinant que le beryllium, mais bon, on traitera ça une autre fois. Donc l'éruption solaire la plus importante qu'on ait jamais enregistrée à ce jour, c'est la tempête solaire de 1859 ou l'événement de Carrington. Si on retourne chez notre ami Wikipédia, qu'est-ce qu'il nous en dit? Il nous en dit que c'est une série d'éruptions solaires ayant eu lieu à la fin de l'été 1859 et ayant notablement affecté la Terre. Elle a notamment produit de très nombreuses aurores polaires visibles jusque dans les régions tropicales. Donc on parle d'aurores polaire qu'on voyait depuis les tropiques, c'est dire quoi, si c'était important, et a fortement perturbé les télécommunications par télégraphe électrique. Alors bon, présenté comme ça a l'air presque anecdotique, hein, mais il faut savoir que c'était un événement d'une violence absolument inouïe. On pouvait lire le journal dans la rue en pleine nuit sous l'effet des aurores polaires. Et on estime qu'à l'époque, 5% de l'ozone atmosphérique a été détruit lors de la tempête. Et la température très intense de l'éruption, 50 millions de degrés à sa naissance au Soleil, a permis d'accélérer les protons issus du Soleil à des énergies folles. Ça, ce sera un sujet pour toi, Mathieu. Juste en deux mots, donc ces protons énergétiques ont réagi par interaction forte, encore un sujet pour Mathieu, avec des atomes d'azote et d'oxygène de la haute atmosphère terrestre, qui ont donné naissance à des neutrons. Et qui sont à l'origine de la formation de nitrates qu'on a retrouvés dans les carottages glaciaires. Nitrates dont l'abondance correspondait à celle ordinairement formée par le vent solaire pendant 40 ans. Et puis là, ça s'est produit en l'espace de quelques heures. Ces aurores, elles ont par la suite généré des courants électriques dans le sol, qui à leur tour ont affecté les circuits électriques existants. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose, il y avait le réseau de télégraphie électrique. Les pylônes ont commencé à produire des étincelles. Le papier télégraphe a pris feu dans les offices, les télégraphistes ont reçu d'importantes décharges électriques, et puis le système restait actif même quand il débranchait les batteries et les prises. Donc voilà, je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure et annoncer une catastrophe énorme la prochaine fois que ça arrivera, mais quand même, il faut bien admettre que le peu de réseau de communication de l'époque a bien souffert. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer un peu ce qui arriverait aujourd'hui. Là où en 1859, on avait un réseau de télégraphe, bah aujourd'hui, on a le réseau électrique, le téléphone, le câble, les réseaux informatiques, et puis l'Internet en Mais particulier, les on peut réseaux les mobiles. anticiper, c'est maintenant avec ce qu'on a maintenant comme technologie. Eh ben c'est une bonne question. Je vais y venir, mais je continue un peu ma description du désastre là. Il y a les satellites aussi. Il y a les milliards d'appareils qui sont alimentés soit par le réseau, soit par des batteries, qui sont soit enclenchés, soit en mode veille. Et puis, à ma connaissance, il n'y a encore aujourd'hui aucune réglementation quant à la protection de ces appareils contre ce genre de turbulences électromagnétiques exceptionnelles. Bon, on se doute bien que ce n'est pas les fabricants qui vont y aller de leur petite initiative pour blinder systématiquement les appareils contre des risques aussi exceptionnels. C'est évident, c'est des opérations qui ont un coût, le marché est hyper concurrentiel, et puis si personne ne légifère, il ne se passera rien. Donc, pour le moment, il ne se passe rien. Mais j'ai quand même un petit scoop. Tous les appareils allumés ou en veille à portée de l'orage magnétique, à ce moment-là, vont mourir de leur petite mort, en espérant qu'ils n'explosent pas dans nos poches. Donc, en d'autres termes, si vous avez laissé votre PC allumé ce jour-là, bah, vous avez intérêt à avoir une copie des données quelque part pour ne pas tout perdre, si possible sur un disque éteint, idéalement même sur un support non magnétique, genre DVD-ROM. Votre smartphone, bah oui, à moins qu'il soit éteint au moment où tout le monde paniquera et voudra appeler ses proches, bah, il passera forcément aussi à la casserole. À moins que vous vous trouviez dans un avion au moment fatidique, mais dans ce cas, le problème de smartphone paraîtra bien dérisoire. Parce que même éteint, il a peu de chances de survivre au très probable crash, tant les avions d'aujourd'hui et les moyens de transport en général d'ailleurs sont dépendants de l'électronique. Voilà, pour les petites joyeusetés. Sur Terre, en fait, ce ne sera pas forcément beaucoup plus joyeux. Si on y pense, toute notre économie se base maintenant sur des flux financiers complètement virtuels, du paiement par carte de crédit au supermarché du coin jusqu'au versement de votre salaire sur votre compte bancaire ou postal. En fait, le temps de remonter le système après la catastrophe, en supposant qu'on ait encore des données exploitables quelque part, sur un support exploitable, bah, pourrait prendre des semaines, quoi. On en serait réduit à bouffer des biscuits de l'armée avant que l'économie ne redécolle. Enfin bon, je vais arrêter de dresser ce tableau noir, je donne exceptionnellement dans le dramatique, et puis voilà, je fais ça pour faire mon petit effet, parce que si ça peut vous rassurer, pour une fois, je ne suis même pas sûr complètement moi-même, je ne suis pas complètement convaincu de tout ce que je raconte. Les derniers paragraphes de ce dossier sont issus de ma compréhension personnelle du problème, puis d'une agrégation mentale assez rapide et pas très élaborée des différentes choses que j'ai pu entendre sur le sujet. J'ai malheureusement pas eu le temps de faire les choses comme j'aurais dû les faire, c'est-à-dire de manière rigoureuse et scientifique, en fouillant dans les sources disponibles pour étayer chacune de mes affirmations. À part ça, on peut se poser la question, quand aura lieu la prochaine? Mathieu, tu allais dire quelque chose, c'était ça ta question? Ouais, c'est ce que je t'avais posé avant. Par exemple, si on peut anticiper, je sais pas. Alors, si on fait. Là j'ai fait mon boulot quand même, je suis allé voir ce qu'on trouvait sur Internet. Si on fait abstraction de toutes les prédictions mystiques qu'on trouve sur Internet qui mélangent allègrement le calendrier Maya, les orages solaires en prédisant l'apocalypse pour 2012, on trouve quand même quelques projections intéressantes. Selon un récent article du Daily Mail, dont on mettra le lien dans la page du dossier sur le site, les plus grands experts mondiaux sur la question se sont réunis en juin dernier à Washington pour partager leur avis sur la question. Puis leur verdict est unanime quant à la prochaine éruption solaire, ce sera 2013. Donc la NASA emploie actuellement des douzaines de satellites, y compris Mais attends, l'Observatoire ça veut dire que solaire. le scénario catastrophe est prévu pendant 2-3 ans? Ouais, mais il n'est pas aussi catastrophique que ça. C'est-à-dire que bon, y a un article du Sun aussi qui en parle, on mettra le lien. Je passe dessus rapidement. Lui, cela joue carrément remake des grands films catastrophes hollywoodiens. Mais en parenthèse, il présente une jolie petite vidéo de ce à quoi ressemble un orage solaire. Mais pour en revenir à la prédiction, il faut savoir que l'activité solaire, elle fonctionne par cycle de 11 années environ. Le dernier cycle était relativement calme. Et puis là, on se trouve dans le 24e cycle qui est un peu plus virulent. Le 24e cycle, donc depuis qu'on mesure ces cycles, on a commencé en 1755. Et ce 24e cycle doit voir son activité atteindre son maximum en mai 2013, d'où la prédiction justement. Et le niveau des éruptions sera probablement assez important, mais on sera encore très loin de celui de l'événement de Carrington. Il y a également un article publié sur le site de la NASA, pour lequel on mettra aussi le lien, qui fournit les détails de la prédiction, mais qui recommande quand même de prendre l'information avec des baguettes, quoi. En gros, il se conclut en disant, marquez la date de mai 2013 dans votre calendrier, mais marquez-la avec un crayon. Donc c'est dire le niveau de fiabilité de la prédiction. Donc voilà, c'est juste basé sur des statistiques en fait, c'est des extrapolations sur la base des observations qu'on a pu faire ces dernières années. Si jamais ça devait arriver, alors la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps à l'avance est-ce qu'on le saura? Comment est-ce qu'on peut se préparer? Puis c'est un peu là que le bât blesse, en fait. Jusqu'à maintenant, on savait prédire les éruptions solaires importantes quelques 30 à 90, 90 minutes à l'avance, en observant les fameuses taches solaires qui disparaissent peu avant l'éruption à proprement parler. Et puis, bah, franchement, l'absence de procédures préétablies et connues du grand public, avec des délais pareils, avec un peu de bol, tout ce qui nous resterait, c'est les yeux pour pleurer, quoi. On n'a pas Ouais, intérêt à c'est se un peu trouver ça. Hein. dans un avion avec un délai de notification pareil. Mais heureusement, c'est en train de chercher, c'est en train de changer, en fait. Il y a des chercheurs russes, chinois, beaucoup, et américains qui travaillent sans relâche sur le sujet. J'ai trouvé des dizaines de publications dans Google Scholars. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la version de Google qui permet de chercher dans les publications scientifiques. On mettra le lien aussi, c'est un peu ma Bible. Ah, c'est marrant, ouais, moi j'y vais pas trop souvent. Mais c'est vrai que je connais, mais en fait j'y suis jamais vraiment allé. Faudrait Je que j'aille connaissais pas du faire un tout. tour, ouais. Ouais, ça vaut la peine alors. Puis bah, donc là, j'ai trouvé des dizaines de publications rien que pour l'année 2010. Elle n'est encore pas finie. Et puis, bah, il y a une équipe américaine qui vient d'annoncer qu'elle a mis au point une technique qui permet d'annoncer les orages solaires avec 2 à 3 jours d'avance. En parenthèse, merci à mon ami Patrick qui m'a aidé à dénicher cette news. Je butais un peu, j'avais un peu de peine là-dessus. Donc voilà, 2 à 3 jours d'avance, c'est quand même plus safe, quoi, s'il faut voir venir la chose. J'espère qu'on va en parler un peu plus, mais sans forcément entrer en mode panique, parce que je pense que ça vaudrait la peine qu'on soit informé sur ces questions-là, puis qu'on soit éduqué, quoi, qu'on sache quoi faire quand ça arrive. Voilà, pour mon dossier, je pense qu'il y aura encore des centaines de choses à dire sur le sujet, mais voilà, mon emploi du temps Mais étant ce qu'il était, un peu en forme d'éruption aussi, j'ai pas pu fouiller davantage. c'est un événement ponctuel? Je veux dire, l'éruption, elle dure un jour à peu près? Ou Alors, ouais, l'éruption de Carrington avait duré, sauf erreur, j'ai plus le chiffre en tête maintenant, mais c'était quelque chose comme 18 heures, un jour D'accord, et ok. demi, quelque chose comme ça, ouais. Oui, on va pas rester, par exemple, une semaine bombardée par les rayons. A priori pas. Mais effectivement, il D'accord. suffit que le matériel informatique critique y soit exposé pendant quelques heures, puis on va quand même être embêté pendant plusieurs semaines. C'est retour au Moyen Âge, Un là. petit peu, ouais. Ouais. J'ai eu l'occasion d'éplucher un peu les caractéristiques techniques des centres de calcul, des centres d'hébergement, des sites en Suisse romande, qui sont pourtant, et même de sites de banque, en fait, qui sont pourtant vraiment réputés, quoi, et qui sont quasi sans faille à tous les niveaux. Mais j'ai rien vu sur le sujet, en fait, de protection particulière contre les orages magnétiques. Je ne suis pas sûr que ce soit pris en compte, en fait. Ben, est-ce que c'est pas pris en compte, par exemple, pour tout ce qui est contre les bombes nucléaires? Parce que je crois qu'elles produisent Si. elles aussi un nuage électromagnétique. Ouais, absolument. Alors, tout ce qui est centrale nucléaire a quand même été jugé suffisamment critique pour être préparé. Oui, mais tout ce qui est data center, c'est quand même dans des environnements super protégés et peut-être protégés aussi pour ce genre Non. de rayons solaires ou de tempêtes solaires, non? Bah, ce serait intéressant. En fait, moi, j'avais jamais posé la question sous cet angle-là. Mais si j'ai l'occasion de la poser, je le ferai et puis on pourra revenir dessus. Ce serait intéressant. J'espère que ça l'est. J'ai quelques doutes. Ouais, bon. Affaire à suivre alors. Affaire à suivre. Ok, ben super, super dossier. T'avais fini, au fait? Là? Oui, j'avais fini. Ouais. J'avais fini. Rien à Franchement, ajouter, votre super. honneur. Donc, la prochaine méga éruption, ce serait dans 300 ans, à peu près. Écoute, Bon. c'est une moyenne statistique. Hein. On sait Ouais. que, voilà, c'est Ah une bon, fois c'est tous les ça. 500 ans, c'est pas forcément pile D'accord, dans 350 ans. ok. Ok. Alors, ben, on va enchaîner avec Mathieu, hein, qui va nous parler du carbone 14. Ouais, aujourd'hui on va faire un petit peu de chimie. Je crois pas qu'on en a fait encore depuis le début de podcast science. Alors ça va pas faire de mal. Bon, ça va pas être trop compliqué, mais il faudra quand même parler deux trois notions chimiques. Alors bon, le carbone 14, il y a un peu tout le monde qu'on a entendu parler, je pense finalement. Le carbone 14, on l'appelle aussi le radiocarbone. Et il était découvert le 27 février 1940, et il s'est converti en un outil indispensable pour l'étude de notre passé. Parce que grâce à la datation par la méthode du carbone 14, on est en fait capable d'établir toute la chronologie des âges et de l'évolution de l'être humain depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Et en fait, On voit que la datation par le carbone 14, là je fais juste un petit résumé, on rentrera un peu plus dans les détails, justement, que la datation par le carbone 14, elle est basée en fait sur la mesure de l'activité radioactive du carbone 14 contenu dans de la matière organique dont on souhaite connaître l'âge absolu, à savoir le temps écoulé depuis sa mort. Alors, ça, c'est un peu l'idée générale. Mais qu'est-ce que c'est le carbone 14? D'où ça vient? Donc, d'abord, on va parler avant de parler du carbone 14, on va parler de l'atome de carbone et des atomes. Alors, bon, on sait que les atomes sont constitués d'un noyau et d'un nuage d'électrons qui circulent autour de lui, et que dans le noyau, on trouve deux types de particules. On trouve des protons, qui, le rôle des protons, c'est de donner les caractéristiques chimiques de l'atome, et on trouve des neutrons qui contribuent à la stabilité du noyau de l'atome. D'accord? Et si on regarde l'atome de carbone constitue en fait l'élément essentiel de toute vie chimique. Il se trouve présent en abondance dans tous les organismes vivants de la planète. Et son noyau, de l'atome de carbone, il est constitué de 6 protons et 6 neutrons. On dit qu'il a un numéro atomique de 6. 6 protons, 6 neutrons. Mais il y a un autre élément qu'on trouve aussi en abondance dans l'atmosphère et sur la Terre, c'est le nitrogène ou l'azote. Alors on peut dire les deux. Bon, généralement, je crois qu'on dit plutôt nitrogène pour l'atome, et si c'est deux atomes de nitrogène, on dit que ça forme une molécule d'azote. On voit que le nitrogène, lui, il a 7 protons et 7 neutrons. Donc il a un numéro atomique de 7. Le carbone, il a 6 protons, 6 neutrons. Nitrogène, 7 protons, 7 neutrons. Le 80% de l'air qu'on respire en fait constitué d'azote. En réalité, on vit dans une grande soupe de molécules d'azote qui entrent et sortent constamment de notre organisme. Et heureusement pour nous, l'azote dans sa forme moléculaire, en fait, est incolore, indolore, insipide et inoffensif. Ouais, Donc on a de la effectivement, chance. vaut mieux, ouais. Oui. Et en fait, l'histoire passionnante du carbone 14 commence avec le nitrogène. En fait, avec le nitrogène qui se trouve dans les couches hautes de l'atmosphère et qui est exposé en fait aux radiations des particules qui proviennent de l'espace et qui bombardent constamment notre planète. Ça rejoint un peu de ce dont tu parlais avec les tempêtes solaires, en fait. Et ces rayons cosmiques, ils altèrent le noyau des atomes qui se trouvent sur son chemin et ça libère des neutrons. Et de temps à autre, il y a un atome de nitrogène qui reçoit l'impact d'un de ces neutrons qui a été libéré par ces rayons cosmiques. Et ce qui se passe, c'est que le neutron, il expulse un proton du noyau de l'atome d'hydrogène et il prend sa place. Donc, comme on l'a dit auparavant, ce sont les protons qui donnent à l'atome ses caractéristiques chimiques. Donc, lorsque l'atome de nitrogène perd un de ses protons, un de ses 7 protons, mais il n'en a plus que 6. Donc, il se convertit en un atome de carbone. D'accord? Mais, en fait, un atome de carbone très spécial, parce qu'il a perdu un proton, mais il a gagné un neutron. Donc, en fait, on trouve un atome de carbone qui a 6 protons et 8 neutrons. C'est pour ça qu'on l'appelle le carbone 14. 6 plus 8, ça fait 14. D'accord? Et bon, on sait que de tout le carbone présent dans la nature, il y a environ 99% de carbone 12, ce qu'on appelle, donc c'est 6 protons, 6 neutrons, c'est le carbone à l'état naturel. On a un peu plus de 1% de carbone 13, et on a 10 puissance moins 10 de carbone 14. Et donc c'est une quantité très faible, très infime par rapport au reste du carbone. Et en fait, on appelle ce carbone 14, on l'appelle aussi un isotope radioactif du carbone. Parce qu'en fait, un isotope, en fait, un atome à l'état naturel, par exemple, l'atome de carbone, il a 6 protons et 6 neutrons à l'état naturel. Mais s'il acquiert ou il perd un neutron, cet atome, on dit qu'il se transforme en isotope. Donc justement, le carbone 14, il s'est transformé en un isotope radioactif du carbone. Et ces nouveaux atomes de carbone 14, ils se distribuent dans l'atmosphère de manière régulière. Et ils se combinent rapidement avec de l'oxygène pour former du dioxyde de carbone. Et lors du cycle naturel de la biosphère terrestre, ce dioxyde de carbone, il est absorbé et traité par les plantes lors de la photosynthèse. Il est aussi dissous dans les océans. Et ensuite, il y a les animaux qui s'alimentent de plantes ou qui s'alimentent d'autres animaux qui mangent des plantes. Et ils absorbent à leur tour du carbone dans leur organisme. Et le carbone 14, il serait bon donc dans la biosphère tout au long de la chaîne alimentaire. Et la quantité de carbone 14 par rapport au carbone total, elle est considérée comme uniforme dans l'atmosphère. Non seulement dans l'atmosphère, mais aussi dans la surface des océans et dans la biosphère, en raison des échanges permanents qu'il y a entre les organismes vivants et le milieu. Donc, durant sa vie, un organisme assimile le même pourcentage de carbone 14 que celui présent dans l'atmosphère. D'accord? D'accord. En plus, on suppose que le flux des rayons cosmiques est constant. On a vu avec toi que ce n'était pas toujours le cas, mais c'est une première approximation. On suppose que le flux des rayons cosmiques est constant sur une longue période de temps. Donc, En pas moyenne, ouais. en moyenne. Donc, par conséquent, le taux de production de carbone 14, on le considère aussi comme constant. Donc, on voit que le rapport du carbone 14 par rapport au carbone total dans l'atmosphère, la surface des océans, la biosphère, il est constant. Tant que la plante ou l'animal est vivant, cette absorption continue à se produire de façon constante. Et ce processus d'absorption se termine uniquement quand l'être vivant, la plante ou l'animal, meurt, et donc conclut son échange avec la biosphère. Généralement, c'est lorsqu'il est enterré ou isolé dans un endroit isolé dans la nature. Et c'est alors que le carbone 14 va jouer son rôle. Parce que comme tous les isotopes radioactifs, le carbone 14, c'est un atome instable. Il a trop de neutrons par rapport au numéro de protons. Donc, son équilibre naturel a été altéré et il va tendre à le récupérer tôt ou tard. Alors c'est comme ça qu'on va voir comment on utilise le carbone 14 pour déterminer l'âge de quelque chose. Parce qu'à la mort d'un organisme, tout échange avec le milieu extérieur cesse. Mais le carbone 14, initialement présent, est resté comme piégé et sa quantité se met à décroître au cours du temps selon une loi exponentielle. Et ce processus de décroissance radioactive, on l'appelle la désintégration bêta. Et c'est ce processus qui permet de savoir depuis combien de temps l'organisme est mort. On va voir comment. Donc en fait, la désintégration bêta, c'est qu'il y a un des neutrons du noyau du carbone 14. Donc le carbone 14, je rappelle, il a 6 protons et 8 neutrons. Donc il y a un des neutrons du noyau qui se convertit spontanément en un proton. Et bon, par la même occasion, c'est un électron. Donc le carbone 14 se transforme ainsi en un nouveau vulgaire atome de nitrogène, parce qu'il avait. Vu qu'il y a un neutron qui s'est transformé en proton, ben, il a plus 6, mais il a 7 protons maintenant, et il a aussi 7 neutrons parce qu'il a un neutron en moins. Donc ils sont convertis en un atome de nitrogène. Et c'est après ce qu'on appelle une période radioactive ou une demi-vie de 5568 ans, on voit qu'il y a la moitié des atomes de carbone 14 qui sont convertis en nitrogène. D'accord. Donc plus un reste organique reste longtemps enterré, plus faible sera sa concentration en carbone 14. Et le carbone 14, en fait, il est vraiment très intéressant car sa période radioactive, elle est longue, elle est de 5568 ans. Parce qu'il y a des autres isotopes radioactifs qui ont une période radioactive de quelques minutes ou quelques secondes. Donc c'est inutilisable pour mesurer. Donc on voit que la datation par le carbone 14 fonde en fait sur la présence dans tout organisme de carbone 14 en infime proportion. Et un échantillon de matière organique issu d'un organisme peut donc être daté en mesurant soit évidemment le taux de carbone 14 par rapport au carbone total, ou soit son activité radioactive X années après la mort de l'organisme. Mais une chose, c'est de connaître tous ces principes théoriques du cycle du carbone 14. Un autre, c'est vraiment de mesurer avec précision la teneur en carbone 14 d'un échantillon pour déterminer son âge. Parce qu'on est quand même confronté à quelques problèmes. Par exemple, les méthodes utilisées sont très chères. Et les outils doivent être très, très performants parce que l'activité radioactive du carbone 14, en fait, elle est faible. Vu qu'il y a une très longue période radioactive, bah, les émissions sont faibles, donc elles sont difficiles à détecter. Donc, il faut vraiment des outils performants. Alors, les archéologues, ils doivent aussi évidemment choisir avec soin l'échantillon utilisé pour effectuer la datation. Et parfois, il suffit juste d'une toute petite partie du reste organique pour pouvoir établir l'âge de l'ensemble. Et en fait, le premier outil de mesure de la datation au carbone 14 vient des recherches réalisées durant la Deuxième Guerre mondiale par un chimiste qui s'appelle Willard Libby, qui travaillait sur la séparation des isotopes d'uranium pour la fabrication de la bombe atomique. Et Willard Libby a d'ailleurs reçu le prix Nobel de chimie en 1960 pour le développement de cette première méthode de datation. La méthode actuelle, elle est plus sophistiquée, elle utilise ce qu'on appelle un spectromètre de masse, mais elle a l'avantage de permettre de dater des échantillons très petits, de moins d'un milligramme, et très rapidement, en moins d'une heure. Mais bon, tous ces outils de mesure, ils ont quand même un certain nombre de limites, puis on a un certain nombre de marges d'erreur, parce qu'on sait que, d'une part, tout au long des millénaires, la radiation cosmique n'a pas toujours été la même, bon, on l'a vu avec ton dossier, il y a donc eu des périodes de plus grande concentration de carbone 14 dans l'atmosphère et des périodes de moindre concentration. Il y a aussi l'isolement de l'échantillon à dater est aussi indispensable. Faut qu'il ait été dans un environnement fermé. S'il incorpore des nouveaux atomes de carbone après sa mort, le rapport du carbone 14 vis-à-vis du carbone total est bouleversé et le résultat ne sera plus fiable. Donc il faut s'assurer que l'échantillon n'a pas été contaminé par des apportations de carbone extra. La demi-vie de 5568 ans du carbone 14, elle a été mesurée en fait en 1951. Ah ouais. Mais il y a une mesure un peu plus précise qui a été faite 10 ans plus tard et qui mesure pas 5568 ans, mais 5730 ans. Mais en fait, par convention, on continue d'utiliser la première mesure de 5568 ans. Je sais pas ça. Et en plus, le calcul de la demi-vie n'a pas non plus été établi avec exactitude. On maintient une marge d'erreur de plus ou moins 30 ans. D'accord. Et bon, il y a aussi le domaine d'utilisation de ces méthodes correspond en fait à des âges absolus de quelques centaines d'années, jusqu'à au plus 50 000 ans. Parce que la demi-vie du carbone 14, vu qu'on a dit qu'elle était de 5568 ans, seuls des éléments datant de moins de 50 000 ans, donc maximum 8 périodes 8 périodes radioactives, peuvent être mesurées. Parce qu'après, les émissions, elles sont trop faibles et on n'arrive plus à mesurer. Donc 50 000 ans, et même on dit que les résultats sont relativement approximatifs au-delà de 35 000 ans. Et pour des âges plus anciens, bon, il y a d'autres méthodes plus perfectionnées qui sont mises en œuvre, on ne va pas en parler aujourd'hui. Un truc que je ne savais pas, qui est marrant, c'est que, enfin marrant, je sais pas, c'est pas tellement le mot en fait, mais les résultats sont donnés à ce qu'on appelle en année before present, BP. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'année de référence à partir de laquelle est mesuré le temps écoulé depuis la mort de l'organisme est fixée à 1950, en fait. Les Ah mesures actuelles se basent ouais. sur un niveau de carbone 14 égal à celui de 1950. Parce que Excellent. à partir des années 50, en fait, la signature isotopique de l'atmosphère a été modifiée. Elle est modifiée d'une part par le rejet de dioxyde de carbone provenant des combustibles fossiles, qui ne contiennent pas ou presque pas de carbone 14, et par la prolifération des armes nucléaires. Ça a aussi sensiblement altéré les taux d'isotopes radioactifs de tout type présents dans l'atmosphère, et donc dans les organismes vivants. Donc ça, c'est une chose que je ne savais pas. On prend comme référence le taux de carbone 14 en 1950. Et pour terminer, en fait, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que l'élément qu'on veut dater doit avoir incorporé du carbone dans des proportions équivalentes à celles de l'atmosphère. Elle s'applique donc qu'aux matériaux organiques et non pas aux matériaux minéraux. Donc les minéraux, ça sert à rien pour le carbone 14. Donc voilà ce que je voulais dire. Ben, vraiment super. Ouais, Datation carbone. sacré dossier. Ouais, ça c'est du. Ça n'a pas été trop vite ou bien c'était pas trop intense? Je me posais la Ah question en non, préparant. non, non, c'était parfait. Ouais. Je suis en même temps sur le dossier là et franchement, c'était vraiment bien détaillé et tout. Et chapeau. De toute Ouais, façon, j'ai bu tes paroles. ouais. C'était De toute parfait. façon, Mathieu, c'est le spécialiste des gros dossiers. Des gros trucs, donc c'est à toi qu'on refine un peu Bon, ça, c'est une nos gros trucs. initiative personnelle, le carbone 14. Ouais, là c'est sûr. Non, mais bon, super quoi. Donc maintenant, les auditeurs, quand ils entendront une datation carbone 14, ah, ça va titiller dans leur Ouais. tête. Mais ce truc de 1950, ça je savais pas quoi. Parce qu'en Ouais, fait, ça j'ignorais totalement aussi. on a modifié complètement la signature isotopique de l'atmosphère. Et donc, on n'a plus tellement de points de référence cohérents maintenant. Donc, ouais. Maintenant, on fera. Vous savez comment on ferait maintenant ou pas? Pour. Pour dater un corps, par exemple. Bah, il y a des autres méthodes que je connais pas, qui ont l'air assez compliquées, qui s'appellent datation au potassium-argon, datation par le couple rubidium-strontium, ou encore la thermoluminescence. Ouais, ça doit être peut-être le même principe, mais avec des demi-vies plus importantes, Ouais, peut-être. probablement. Ça doit aussi Ouais. des atomes radioactifs, d'autres éléments qui ont des demi-vies plus importantes, probablement. Ouais, ça va être ça, ouais. Non, mais vraiment super. Oui, et puis bon, c'est un des moyens de enfin, c'est une des horloges que la nature nous fournit pour la datation, mais il y en a d'autres finalement. Ça, c'est celle qu'on utilise le plus pour tout ce qui est d'origine organique. Organique, ouais. Ouais, mais par exemple, quand on veut dater les squelettes de dinosaures ou des choses comme ça, on est obligé d'utiliser d'autres méthodes en fait, parce que on parle de plusieurs millions, dizaines de millions d'années, puis le carbone 14 suffit plus. Du coup, il y a plein d'autres outils qu'on trouve dans la nature. Certains certains sons radioactifs aussi, en tout cas basés sur un. Ah, j'ai pas les mots en français, comment t'as dit que ça s'appelle la La dé. demi-vie, La demi-vie, la période Non, pas. radioactive, Non, le truc la bêta. désintégration bêta. Voilà, la désintégration bêta. Il y a certains isotopes instables qui ont une demi-vie de plusieurs millions, voire milliards d'années, suivant lesquelles. Donc on va utiliser telle ou telle méthode de datation en fait en fonction du range dans lequel on doit aller taper. Oui, on pioche dans ces outils, quoi. On a des outils pour différentes échelles, en fait. Ouais, différentes matières aussi. Mais bon, C'est bon? moi c'était en fait Ouais, le carbone 14, je l'avais étudié à l'école il y a bien longtemps, puis j'avais envie de me remémorer un peu tout ça, donc j'ai trouvé drôle de faire un sujet là-dessus, quoi. Ouais, c'est pratique hein, de faire un sujet pour podcast science, pour bien maîtriser un dossier qu'on Ah, mais connaissait plus ou ça, moins. c'est Après, c'est vrai que tu absolument. t'en rappelles bien, c'est top. Ouais, c'est absolument parfait, ça, pour les révisions et tout. C'est nickel. Voilà. Et donc, Excellent. on arrive là donc à la fin du podcast. Alors là, c'est le moment tant attendu, hein, Ouais. comme chaque fois. C'est On ne la saurait citation. arriver à la fin du podcast sans ce Ouais. moment phare. C'est pas possible, Alors, quoi. la C'est comme citation ça. de Thomas Edison, donc la personne qui a popularisé l'ampoule électrique et qui est à l'origine de General Electric, un des grands entrepreneurs américains du siècle passé. Alors, il a dit la chose suivante. En anglais, donc je vous laisserai traduire, I have not failed, I have just found 10,000 ways that won't work. Ok, je me lance. Je Vas-y. n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 différentes façons qui ne fonctionnent pas. Voilà. Plein d'optimistes. Ah ouais, ça c'est plutôt. Bah, faut pas abandonner, faut insister. J'avoue. Ouais, j'aime Ah, bien cet état d'esprit. ouais, c'est le C'est côté excellent. Bah, apparemment, ça l'a mené assez optimiste. loin quand même. Ouais, avec Oui. une devise comme ça, il était assez loin en tout cas. Mais je crois en plus avoir lu quelque part qu'il avait déposé quand même plus de 1 000 Ouais, brevets. un truc hallucinant, non mais plus, je crois même, je crois que Ouais, je viens d'ouvrir sa page Wikipédia là, c'est c'est. Donc, 1093. voilà quoi. Donc, 1093. 1093 de brevets, donc il n'a pas fait que mais échouer. il a d'ailleurs, il y a toute une polémique qui tourne avec lui et Tesla, qui est aussi un grand inventeur. Ah, mais oui, qu'est-ce qu'il lui a piqué à Et il lui a Tesla? piqué une invention liée au magnétisme, je sais plus exactement quoi, mais bon, il a breveté un truc que Tesla avait inventé, donc du coup Tesla n'a jamais vraiment été reconnu comme grand inventeur et tout ça dans tout le domaine de l'électricité, du magnétisme, mais il lui a un peu volé pas mal d'idées, Edison. Il y a toute une histoire là autour. Ça pourrait le faire Ah, c'est sujet, ça comme pourrait ça. être le sujet d'un autre podcast science. Ouais, j'ai trouvé en fait. C'était toute l'histoire autour du courant continu ou du courant alternatif. Ah voilà. Tesla était l'employé d'Edison et puis il lui a piqué l'idée en fait. Voilà. Edison lui a piqué l'idée du courant alternatif alors que c'est Tesla qui y croyait, puis Edison pas trop, quoi. Il était plus fan du courant continu. Ouais, jusqu'à que Tesla lui démontre la faisabilité du courant alternatif et qu'il lui pique l'idée. Ouais, mais d'ailleurs, je crois qu'il y avait une anecdote assez sanglante derrière ça, non? Avec un condamné à mort qu'ils ont essayé de liquider avec du courant continu, enfin, qui a souffert les affres, tout ça pour démontrer. Enfin. Je me rappelle plus de l'histoire, mais c'est une des heures pas très glorieuses de la De la science, quoi. science, ouais. Ouais. Ouais, il y en a eu aussi, il y en a eu aussi. Il y en a beaucoup, Bon, mais à part ça, c'est ouais. quand même un génie, ce Thomas Edison, quoi. Ok. C'est Ah, on chouette de peut le pas lui voir enlever ça, ouais. mentionner. Ouais. Pionnier de l'électricité, diffuseur, vulgarisateur, perfectionneur de technologies d'avant-garde, qui s'est accessoirement autoproclamé inventeur du téléphone, on sait que ce n'était pas lui, du cinéma, on sait que ce n'était pas lui non plus, et de l'enregistrement du son. Ouais, drôle. Cool. Bon, on va, Ouais. voilà, encore une petite phrase à méditer pour la semaine. Ouais, vraiment inspirante. Hein. Enfin, je sais pas où tu les trouves, Mathieu, mais elles sont à chaque fois vraiment super. Eh ben écoute, je suis content qu'elle te plaise. Ah bah oui, hein. On les boit, on les savoure. C'est ça qui est bien. Donc voilà. Alors peut-être juste rappeler avant de terminer qu'on a mis sur le site un sondage Oui. pour les propositions de sujets. Donc n'hésite pas à aller voter pour votre sujet favori. On se fera un plaisir d'essayer de le présenter. Ouais, et puis d'ailleurs, si vous voulez en proposer d'autres, n'hésitez pas, vous connaissez, vous savez comment ça marche. Là, on vous propose parmi les 9, je crois, 9 sujets. Qui nous ont d'abord été proposés, ouais. depuis le début de Exactement. l'année. Depuis, ouais. Voilà. On n'a pas traité grand-chose, en fait, de ce qu'on nous a proposé. On n'est pas. Ouais, Ouais, mais c'est pas des sujets faciles non c'est plus, hein. vrai, Ouais, c'est pas vrai. facile. Allez, les constantes de la physique, là. Celui-là, ça, c'est pour Mathieu, ça aussi. Alors voilà. Ouais, celui-là, c'est sans doute le plus vache de la série. Ouais. Ok, donc la suite au prochain numéro. D'accord, parfait. Ouais, Bon, salut tout le parfait. monde, à la semaine prochaine. Salut, à la semaine prochaine. Ciao. À tout bientôt, bonne semaine, ciao. Ciao.